J'ai une trompe, dit l'éléphant. J'ai deux oreilles, dit le lapin. J'ai trois dents, dit le monstre. J'ai quatre pattes, dit le chien. J'ai cinq doigts, dit la petite main, et je chatouille bien.